Le panneau signale que je vais entrer dans une agglomération. Son implantation définit l'endroit à partir duquel les règles de conduite et de police propres aux agglomérations doivent être appliquées. À partir de ces panneaux, la vitesse des véhicules est donc limitée à 50 km/h et l'usage du klaxon est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Réponse A et C.